2-0. On va parler avec notre collaborateur de hockey, Marc Fortier, de Date Limite des Échanges. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, le Canadien a bougé, mais ce qui retient l'attention, évidemment, c'est la grosse transaction avec Anthony Mantha qui s'en va avec les Capitals de Washington. Oui, je pense que c'est une bonne acquisition pour Washington. Je te dirais dans ce cas-là, tu sais, moi, quand je dis tout le temps, Danny, un échange, ça doit être gagnant-gagnant. Je pense que Washington ont amélioré leur offensive. Il y avait déjà une très, très bonne offensive. Ils amènent encore plus de punch à l'attaque, mais ils ont vraiment payé le prix, là. Ils ont donné Vrana, qui était un choix de première ronde et un très bon joueur, un autre joueur de soutien panique, un choix de 1, un choix de 2. Alors, c'est une transaction qui est avantageuse pour les Red Wings qui veulent reconstruire leur équipe et avantageuse pour Washington qui amène vraiment une bonne profondeur et encore plus de punch à l'attaque. Anthony Mantha, est-ce qu'il est pas vrai, il s'est pas vraiment avéré à Détroit le joueur qu'il devait être. Ça devait être un marqueur naturel. Anthony Mantha, pour qu'il soit utile, il faut que ce soit un marqueur. Oui, c'est sûr que c'est un peu marqueur, là. C'est pas le Clairement. gars qui va être le plus fiable défensivement, mais c'est un gars qui peut facilement marquer 40 buts dans une saison. Il a un lancer foudroyant. C'est un monstre, hein. C'est un gars il doit être un 6 pieds 5, certain. Bon gabarit. C'est un gars qui peut jouer la game un petit peu physique. Alors, c'est sûr qu'avec une équipe comme Washington, s'il a un bon passeur avec lui, il peut être certainement un marqueur entre 30 et 40 buts. Taylor Hall qui s'en va à Boston. Ben moi, je pense que c'est une bonne échange dans le sens que moi je l'aime bien, là, Taylor Hall. Écoute, c'est sûr que c'est pas un leader. Moi, je parle du joueur, là. Non, Les non, aptitudes hockey, ce gars-là, c'est incroyable, là. Il a un coup de patin extraordinaire. Il est très fort sur ses jambes. Bonne vision, il peut marquer des buts. C'est un gars, Danny, là, junior, là, il a quand même gagné deux fois la Coupe Memorial, là, 2 années de suite la Coupe Memorial avec Windsor. Tu sais, il a accompli de belles choses junior. Il était dans une équipe à Edmonton quand il est arrivé là, qui n'avait pas vraiment de bon leader. Il s'en retourne à New Jersey, Buffalo, non plus, il n'était pas entouré de leader. Alors, à Boston, avec un Bergeron, avec un Marchand, qui va attirer toute l'attention. On va laisser Hall aller. Moi, je pense que c'est une excellente transaction pour les Bruins. Ok, ben c'est sûr que c'est pas le joueur. Taylor Hall, il faut pas que ce soit le leader d'une équipe. Exact. Exact. Mais hey, ça te prend des bons suiveurs, Danny, là. Ça te prend des bons suiveurs, puis lui, ça va être un suiveur d'exception. Les transactions du Canadien, regarde, il fallait pas s'attendre à grand-chose de Marc Bergevin. Comme tu m'as dit en rentrant non, je pense que le CH a fait les moves l'été passé, là. Le reste du polissage, on va y aller parce qu'écoute, oui, la blessure de Gallagher a donné une certaine marge à Marc Bergevin. Par contre, c'est ça. Fait qu'il fallait pas s'attendre à grand-chose, surtout que Byron, il a pas été. C'était 4 fois qu'on le place au ballottage, donc. T'sais, ça aurait bien fait qu'il parte ailleurs pour donner un peu de lousse à Bergevin, mais ça n'a pas été le cas. Non, mais aussi de le garder Ouais. comme joueur de profondeur, Byron, c'est pas la pire, c'est pas ton pire joueur à avoir dans l'alignement. Mais comme je t'avais dit, comme on vient de dire, c'est Marc Bergevin, ils avaient fait ces grosses transactions, là. Si Marc Bergevin avait amené Anderson, Toffoli, Edmondson aujourd'hui, on aurait dit tabarouette, il a fait tout qu'un travail de bonnes acquisitions. Lui, il l'a fait d'avance, il l'avait fait cet été. Bon, mais là, est-ce que Marc Bergevin était prêt à sacrifier des choix de repêchage et peut-être des joueurs d'impact pour aller chercher un Mantha, un Hall ou un Foligno ou ces joueurs-là? Ça n'a pas été le cas. Il faut croire que je pense qu'ils ont bon. Quand tous les joueurs vont revenir en santé, quand on va ramener Price dans les buts, Gallagher va revenir, que Chariot va revenir. Je pense que le Canadien va être une bonne équipe et avec surtout une bonne profondeur avec les acquisitions qu'ils ont faites à la défense. Ok, du côté maintenant, Cole Caulfield, tu penses à quoi? C'est ça là, du côté du CH qui fait parler beaucoup. Faut pas s'attendre à des miracles là, dans le cas de Cole Caulfield. Ben, moi, c'est sûr que je prônerais la patience Ben oui. personnellement, mais Danny, c'est quand même un joueur d'exception, là. C'est un gars qui peut changer ton équipe en un lancer, là. Tu sais, c'est un gars qui peut marquer comme pas beaucoup de joueurs peuvent marquer. Alors ça, lui, il a cet atout-là. Est-ce que les Canadiens sont assez désespérés présentement pour dire ça nous prend un allumeur pour notre avantage numérique qui est, je pense, 1 en 21. Là, les derniers 21, ils n'ont marqué un but. Ils ont besoin de punch spécialement sur l'avantage numérique. Est-ce que lui peut s'en venir pour le restant de l'année? Là, est-ce qu'il peut venir dépanner le Canadien? Un exemple, plus tard cette semaine, ils vont jouer contre Ottawa, je pense, bientôt. Est-ce qu'il pourrait l'amener un gars comme ça puis essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire dans une situation. Ça ne veut pas dire que si tu le ramènes, si tu le rappelles à Montréal, qu'il est obligé de rester là toute l'année. Mais là, de ce qu'il a démontré, quand même, un gars qui arrivait des collèges américains, qui arrive dans la Ligue américaine, c'est pas évident. Il a connu quand même un bon week-end. T'sais, il a quand même marqué 3 buts en 2 matchs. C'est pas rien. Est-ce qu'il pourrait venir juste partir le feu, peut-être que le Canadien va le faire, mais moi, personnellement, c'est sûr et certain que ça serait préférable qu'il continue à se développer. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là. Puis Joël a quand même fait une bonne job avec Kéké. On voit ça. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il ne faut pas s'attendre que c'est lui qui va transformer le club. C'est mettre beaucoup de pression. Je voyais des titres en fait, semaine, la merveille du Wisconsin. Calmons-nous. Mais c'est ça, Montréal. Hein. C'est ça. Hein? C'est ça, Montréal. C'est... Hein? Ben Montréal, le joueur a un bon match, puis c'est un vol d'aller chercher un échange. C'est un vol, mais le match après, il ne joue pas, puis on voudrait l'envoyer au 7e ciel. Par contre, il y a une idée que j'ai trouvée en fin de semaine brillante. C'est Maxime Lapierre qui a dit, tu sais, Suzuki en arrache depuis quelques temps. Hein. Qu'est-ce que tu dirais d'aller de faire jouer quelques matchs à Laval, dans le cas de Suzuki, comme Kéké? Non, moi je pense pas. Je pense pas dans ce cas-là, Danny. Je vais te dire, moi, c'est soyons patients. C'est parce que là, on l'a monté trop haut, trop vite. Là. Laissons-le se développer. Puis la meilleure façon qu'il peut se développer, c'est comme ça. Regarde la marge qu'il a faite l'année passée, juste en entrant dans les séries quand il n'était pas supposé de le faire. Le Canadien, ça a donné tellement d'expérience à Kotkaniemi et à Suzuki. Laissons-le prendre sa place. Laissons-le trouver ses repères comme il faut, mais attendons-nous pas à ce que ce soit lui qui tire le train. Il faut que ce soit tes vétérans qui tirent et tes jeunes qui poussent. Là, on demande à nos jeunes de tirer. Ça ne marche pas, là. Remettons nos attentes à la bonne place. Demandons à Kotkaniemi, demandons à Suzuki de pousser le wagon. Et demandons, par contre, à nos vétérans de tirer un peu plus. Parce que présentement, c'est eux autres qui ne tirent pas assez. Ouais, effectivement. Marc, gros merci. Au plaisir de se reparler. On va se reparler un autre tantôt. Parfait, Danny.